cet homme de principe, élevé par la rage, la haine qui m'habite, je quitte ma terre. Où je vis, ventre vide, où la mort, la misère, quand passe ventre vide, c'est la mer. Je sens que l'âge de temps, ça peut plus durer, voir ma femme, mes enfants, à la fin. À la fin, c'était qu'une idée, mais vu notre état, non, ça peut plus durer, je prie le ciel. De voir ce cauchemar terminé, au fond de mes yeux, c'est gravé, déterminé. J'ai rien à perdre, je la ramasse. C'est un pour ma famille, ça passe au sarcasme. Je vis là où ça pue, la misère, où l'argent croise le fer. C'est mes frères contre mes frères. Ma femme pleure pas, retiens tes larmes. De là où je serai, je t'enverrai plein de liasses. Je veux que tu veilles sur nos petits bébés qui deviennent tes hommes. Mais de toute façon, je reviendrai. T'en fais pas, ce sera plus comme avant. On manquera plus de rien, on vivra normalement. Je veux que les enfants soient fiers de leur papa, que je sois leur héros, je veux qu'ils me voient comme ça. Venez pas ici que je vous serre dans mes bras. Dans ma tête je me dis que c'est peut-être la dernière fois. Je m'en vais triste, le cœur serré. Je suis cet homme de principe qui se cache pour pleurer. Je me dirige devant l'aéroport, mais je passe par derrière. Glisse dans un conteneur, sous stress, évite les autorités. Je monte dans l'avion mais pas du côté passager. Dans la soute, écrasé par les bagages. Rien à foutre, rien à perdre, j'y vais avec la rage. De toute manière je peux plus reculer. Rien à foutre, rien à perdre, c'est ce que je voulais. Dans le noir je récite mes sourates. Que Dieu exauce mes voeux, mon sort est dans ses bras. Je suis cet homme de principe, élevé par la rage, la haine qui m'habite, je quitte ma terre. Où je vis, ventre vide, où la mort, la misère, quand passe ventre vide, c'est la mer. Je sens que l'âge de temps, ça peut plus durer, voir ma femme, mes enfants, à la fin. À la fin, c'était qu'une idée, mais vu notre état, non, ça peut plus durer, je prie le ciel. De voir ce cauchemar terminé, au fond de mes yeux, c'est gravé, déterminé. De toute façon, j'ai rien à perdre, je la ramasse, c'est un pour ma famille, ça passe au sarcasme. Je ressens les vibrations des réacteurs qui ne font qu'augmenter les pulsations de mon cœur. Le décollage partout me secoue. J'ai ma tête et mes pieds bloqués sur mes genoux. Les turbulences me font chavirer. Je me prends des bagages sur ma tête en plané. Sur ma fille, putain que c'est atroce. Je vis un enfer où verrouillés sont les portes. Je suis projeté à l'arrière de la soute. Je reçois cette malle dans le ventre qui m'assomme. Dans ce tunnel où je cherche le bout, mais je ne sais pas trop si je tiendrai le coup. Plus on monte, plus on perd en degré. Plus on monte, plus j'ai froid, plus ça caille, plus je regrette. C'est horrible, je ne sens plus mes jambes. Je reste fixé, rien à faire, donc j'attends. Mais les secondes s'écroulent comme des heures. Et les heures deviennent des jours qui m'écœurent. C'est long, comme une histoire sans fin. De plus, mon ventre réclame qu'il a faim. À moins 20, je claque des dents. Le pantalon que je porte est devenu en béton. Putain, j'ai l'impression de vivre un film. Je vois bien que ma vie ne tient plus qu'à un fil. Je suis cet homme de principe, élevé par la rage, la haine qui m'habite, je quitte ma terre. Où je vis, ventre vide, où la mort, la misère, quand passe ventre vide, c'est la mer. Je sens que l'âge de temps, ça peut plus durer, voir ma femme, mes enfants, à la fin. À la fin, c'était qu'une idée, mais vu notre état, non, ça peut plus durer, je prie le ciel. De voir ce cauchemar terminé, au fond de mes yeux, c'est gravé, déterminé. De toute façon, j'ai rien à perdre, je la ramasse, c'est un pour ma famille, ça passe au sac. Il faut pas que j'abandonne, en plus si près du but. Il faut pas que je lâche ce combat, que je lutte. Je ne bouge plus, je ne sens plus mes membres. Tellement que j'ai mal, je ne sens plus mes crampes. Le visage givré par des bouts de glace. Le froid qui me ronge, mes ongles qui se cassent. Paralysé, que ma tête pour penser, penser à ce que j'ai laissé, à ce qui m'aime tant. Ma femme et mes enfants, il faut que je m'en sorte. J'ai un mental de bâton pour l'argent. Mais quand je réfléchis, l'argent fait pas le bonheur. Regarde où j'en suis. J'ai mes paupières qui pèsent des tonnes. Faut pas qu'elles se ferment, parole d'un bonhomme. Dans ma tête, je vois ma vie qui défile. Je ressens que mon âme de son corps se décolle. Je puise en moi mes dernières forces. Faut que je repense à là-bas pour que mon âme se renforce. Faut pas que je me laisse aller. Laisser la faucheuse me prendre et s'en aller. Il faut que je sois fort. Je sais même pas combien de temps il me reste. Je crois que c'est la fin, je sens que je vais lâcher. C'est bien la fin, mon âme s'est envolée. misère quand passe en